Je suis sur une autoroute. Ce panneau annonce la réduction du nombre de voies dans ce sens de circulation à 600 mètres. Si les travaux avaient nécessité de basculer toute la circulation sur l'autre chaussée, à contresens donc, c'est ce panneau qui aurait été mis en place. Dans ce cas, la glissière de sécurité aurait été démontée et j'aurais roulé à contresens. Ici, je vais devoir quitter la voie dans laquelle je suis et prendre celle sur ma gauche.